Sur la pente fatale, la montée au ciel est inévitable. Deux points tracent une ligne qui ondule. Le funambule pose délicatement un pied après l'autre et déploie ses ailes. Suspendu dans l'air, il croise d'autres habitants. Il habite ailleurs, sur la pointe de l'accent circonflexe. Trois points de suspension le retiennent désormais. Il est à mi-chemin. Son amour l'attend de l'autre côté. Il se joint au grand amour. Il est léger comme l'air qu'il respire. Il a quitté l'autre rive, laissé passer les bateaux, laissé l'eau couler sous les ponts. Le pont des arts, le pont des deux rives, le pont Mirabeau, le pont de l'Alma. Sur la pente fatale, la montée au ciel est inévitable, femme fatale. Jacques est fataliste à l'image de Diderot. Tout ce qui nous arrive ici-bas, de bien ou de mal, est écrit là-haut, s'écrit-il. Maître Jacques, sur un oiseau perché, tient dans sa bouche un fromage normand en hommage à Jean de La Fontaine. Sur la pente fatale, la montée au ciel est inévitable. Deux points tracent une ligne qui ondule. Je tente l'équilibre dans un élan impossible.